C'est un serpent qui se glisse là dans le haut de ma cuisse et qui se déploie au creux de mes veines et je sens tout bas les échos de sa haine. Il se glisse, il s'esquisse, il m'emmène dans le vide. Même si on doit aller plus profond.